Donne ta langue, porte pas l'œil. Comment ça ils disent tous Ray? C'est nous les Ray, North Square, Clay, Scrooge dans mon mic, Ray. Dis pas que t'as pas peur qu'on fera fort à ta porte. Le sale ça rapporte, mais crois pas qu'il y a pas de rapport. La crainte on l'a et toujours on l'aura. Inch'Allah L'Oréal, pour tous les frères qui mènent la vie de hall. Entre le stress du shit, les liasses, le stream en tasse. Les scrutins d'état, les mêmes recrues dans les taf. On s'adapte, habitué à la tapa. Le fils sur le tabac, t'as pas de Zeira, ici on t'aide pas. T'empruntes que de chemin, le djinn au Dounia. Ici pas et l'au-delà, le dealer il n'annonce pas. Dans ce bas monde tout est éphémère. Pas besoin de rouler en heure pour faire le bonheur de ma mère. On n'a rien sans rien, c'est la rue était une serrure. Et puis on baiserait la porte, juste pour rire. On vient avec un mal-être, parce qu'on veut tous se mettre à l'aise large, comme le salaire d'un athlète. La vie est un test, pour le nord, sud, ouest, sud-est. Rail, cherche pas à contester. À l'ouest, man, si tu crois le contraire. Rime vraie, pas là pour plaire. Plus de pleurs que de sourire, la merde, ça rend pas fair play. Cherche pas à me faire peur, sale porc, sale proc. Y'a que l'enfer qui me fait chier dans mon froc. Mes couilles sont dans mon fut, y'a que Dieu que je n'ai pas rien à foutre. A toute heure sur le terrain, la rue est ton tuteur. On tue le temps, faire des sous, mais les sous tuent. On s'y tue là où ça se dissout. On persiste, on s'incite, peu t'assiste aux assises. Beaucoup de sourires aux lèvres, l'anonyme coup de fil vient peut-être de celui qui rêve de prendre ta relève. Chacun son lieu, son jour, à moins que tu songes à changer de parcours. Moi la vie d'un rue, je la connais par cœur. La route tourne comme le shit, le crack et la coke. C'est pas des cracks ça, juste pour monter en côte. Crois-moi, rail, si ma rime est crue, c'est que j'ai du mal à croire qu'un noir aux 20h changera mon histoire. Mon histoire, c'est mes racines et mes richesses pillées. C'est par pillées, que l'on n'aime pas voir un noir briller. Le racisme est dans le regard, la salive. Le gaspiller, fait de la place, je mets ma part, je mets mon billet. Car j'ai pas oublié que la pauvreté est essouillée, nettoyée, soudoyée, essuyée. Ça y est, j'y suis, classe-moi parmi ceux et celles qui aiment la France, m'accuser à tort de faire du zèle. Alors qu'on veut que de l'oseille, Malcolm X le disait. Peuple colonisé, mais pas encore indemnisé. Ma rime est minimisée, je mise sur ma vérité. Ceux qui tiennent le monde nous sont bien divisés. Pour mieux nous automatiser, famille traumatisée. Par des bourreaux qui ont été dépénalisés. Regarde ma frustration et ma haine. Histoire inculquée à l'école n'est pas la mienne, nous sommes mes MAN. Voilà où on en est, l'oseille appelle la monnaie. Et la monnaie appelle les chefs d'état à être malhonnêtes. Envers toi et eux-mêmes, partout c'est la même. Car dans ce bas monde d'en fond, on dit tous amen. Amine, on est amené à étudier notre histoire. Parce que le savoir deviendra notre armée. Mes mots sont armés de haine et d'amour. Car la connerie mène me rend de mauvaise humeur. À travers mes dires, tu sens une tristesse au cœur. Des traces indélébiles qui retracent ma rancœur. J'essaie de faire ce que je sais faire le mieux dans ma vie. Rapper, écrire des textes, donner mon avis. La vie est faite de tristesse, de larmes et de pleurs. Tête dure avec le malheur qui fait bouger ton cœur. Encore, si t'habitais dans le 16, là où tu viens, les petits grandissent avec le vice. La vie est faite de tristesse, de larmes et de pleurs. Tête dure avec le malheur qui fait bouger ton cœur. Encore, si t'habitais dans le 16, là où tu viens, les petits grandissent avec le vice. La vie est faite de tristesse, de larmes et de pleurs. Tête dure avec le malheur qui fait bouger ton cœur. Encore, si t'habitais dans le 16, là où tu viens, les petits grandissent avec le vice. La vie est faite de tristesse, de larmes et de pleurs. Tête dure avec le malheur qui fait bouger ton cœur. Encore, si t'habitais dans le 16, là où tu viens, les petits grandissent avec le vice. Martin Scorsese. Dawah Mike, 9394. C'est là où je crèche, c'est là où je traîne, c'est là où je pèse, c'est là où je jazz. Je suis en dessin. North Square, Crespo. Dans mon mac. La route à l'œuvre.